tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique, la musique, la musique, la musique. Et les amis, et rigoler, rigoler. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Monsieur le Président. Hey, ça, c'est l'art de mêler ton public, hein? Comment ça, mêler mon public? Ben oui! Premièrement, j'ai pas de public, là. J'ai des gens qui aiment bien s'incorporer à une structure éclaboussée de la réalité. Ouais, mais non, mais t'as un public. Ben voyons. Dis-moi pas ça, toi, là. Tu vas me faire pomper l'huile. Pompe pas l'huile. Pomper l'eau. Pomper l'eau. Pomper l'eau. Il est des nôtres. Il me pompait comme tout le monde. Non. Pourquoi tu dis ça? Ben oui, parce que t'as commencé par ton générique. Ben oui. Faut faire à un moment donné quelque chose qui ressemble à une réalité radiophonique, là. Il y avait, à l'époque, un hurluberluse? Non, c'est un hurluberluse. Berluse, OK? Parce que, comme je le disais à Berlusconi, lorsque nous étions envahis de présence des petites vermines. Ah, les petites vermines là, qui étaient en Bouloukini, en Mounounini, en mini. Des mini, pas ravioli, là, mais c'est tout petit. Tout petit, la planète. Mais imagine si toi, tu te sens tout petit devant la planète, tous les petits, oui, nous faisons partie, nous, de l'union francophone de la femme féminine. Oui. Et vous êtes injurieux. Injurieux. Envers l'injustice. L'injustice. Faites aux femmes. Faites. Comment donc? Comment ça? Mais vous avez traité de nos femmes comme étant des rapports, des emblèmes féminins, des modèles féminins, Et parti. Avons gagné 305 points. Continue. Vous êtes des insignifiants. Voyons dans vous. Ben, hey, je suis en faveur pour la femme autonome. Ben oui, moi aussi. Je suis en faveur pour la femme affranchie avec l'homme. Ben moi aussi. Je suis contre la femme objet. Ben moi aussi. Je suis pour la femme. Moi aussi. Bon, on aime la... Moi aussi, bon. Hey. Calmez-vous, madame. Je suis pour la fédération des nichons. Oh. Non, mais écoutez, il faut dire les mots, là, comme ici, il y a monsieur, ici, il y a volupté, il y a résident, il y a émission, il y a aussi, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a des mots comme jupe, farandole, guignol, comme... On peut pas le dire. Non, on peut pas. Non, on va mettre ça. Non, j'ai pas de non. Non, je pourrais plus faire de la non. Ah, je vais pas faire de la non. Là, ils vont me dire, arrête de faire le cocon. Non, je veux pas. Non, s'il vous plaît. Non. Eh, monsieur, non, on capte des ondes. Non, mais ça. Qu'est-ce que c'est réellement? Ben, c'est non. Attendez, je vais traduire. Non. Nous sommes ici pour. non, rehausser la planète. Non, nous sommes pas des humanoïdes. Non, nous venons d'ailleurs. Non. D'ailleurs? Non, ça veut dire d'ailleurs, ça? Non. Oui, ben, je sais, je connais ça, où est ce langage-là? Ferme ta bouche! Mais je peux pas. Dites-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Ben, c'est, on va vous le dire, là, fermez-vous la bouche! Fermez-vous la bouche, ouvrez-vous les yeux, fermez-vous la bouche et ouvrez-vous les yeux, tipez dans de la queue, tipez dans les gants, tipez dans de la queue. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouer. Hein? Qui parle? Ah, c'est qui parle, hein? C'est une blague. C'est, il y a une caméra cachée. Il y a des cochers. Il y a des coches cachées, il y a caché. Il y a des choses qui se cachent ici, là. J'ai des cochers cachés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut poursuivre en musique, s'il vous plaît? Non, on n'a pas de place présentement. Il vous reste 3 minutes de discussion à faire avec votre public. Mais j'ai pas de public, là! Puis là, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est réellement ce que j'ai entendu ou c'est dans ma tête, là? Ben, c'est peut-être l'ensemble des deux. Mais je sais pas si le public... On va demander... Est-ce qu'on peut rejoindre le public en général? Eh, mais as-tu le public en général sur la ligne? premièrement, il faudrait avoir le nom du public en général, le numéro de téléphone, excusez-moi, on sait son nom, c'est le public en général, mais avons-nous le numéro? Attendez, on va essayer encore de rentrer avec France, oh, pas en France, on n'a pas, non, pas, j'ai pas dit en France, j'ai dit en transe, oh, moi, je, sérieusement, là, parce que, errance canadienne, là, voilà. Courte à sa, ça mène vers une faillite des plus probables. Ben voyons donc! On vous l'a affiché dans les médias la semaine dernière. On n'a pas lu ça, oui! Ben voyons donc, vous avez pas lu dans les premiers titres là, les entêtes là, qui se sont entêtés à nous mettre en tête. Là. Puis on a dit on veut pas être là parce que le monde va s'imaginer qu'on est en banqueroute même si on l'est! On est en banqueroute. Ouais, on n'a pas de maudite scène. On pourra pas continuer. On pourra pas aller bien loin. C'est peut-être la fin. C'est peut-être le début. Le début de la fin. Le début de tout. Ben voyons donc. Hey Rita. Oui. Continue à faire ta sauce. Ta sauce. Trempe dans ta sauce. Ta sauce à quoi? Espagnetti. Oh monsieur, mais hey, aurons-nous assez d'argent pour acheter du spaghetti? Même si on n'a pas assez d'argent, Madame Tremblay, Madame Thibodeau, Madame Bibelot. Madame Rita. Rita Bibelot. Rita Bibelot. Elle-même. Elle-même. En personne. En personne. Ah, oh, mais est-ce que je peux vous embrasser? Non, monsieur. OK. Pourquoi? Vous êtes connu. Comment? Attendez, comment? Vous êtes connu. Oh, dans le milieu? Dans le milieu. OK. Bon, alors je peux pas vous... Non, vous pouvez pas. OK. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Rien, absolument rien. Regardez-moi de loin. OK. Oh, vous avez lu le... les journaux criminels. Les journaux criminels! Ça vous fait peur. Moi, ça vous incrimine. Ça m'occupe. Ça vous incrimine. Et monsieur, il y a de la vermine dans ce mot-là. Il y a de la grosse vermine. Puis si on la laisse ronger toutes vos pensées, qu'est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce? Oh non, il y a encore de la transe. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Arrête de me regarder comme ça. Tu vas me faire jouer. J'ai entendu une madame qui m'a... C'est pas une madame. Oh, j'ai entendu. T'as pas entendu. Oh, j'ai vu. T'as pas vu. J'ai touché. T'as touché à qui? À quoi? À quoi? Au micro. Et puis, ben, c'est un micro. OK. Il y a comme des alvéoles. Oh, mais tu te prends pour la veille. Je me prends pour Maya. Maya. Tu sais, le gros maillet de Maya, là, ce qui est en arrière de la tête, là, on appelle ça la queue. Ben, la queue de Maya. La queue de Maya. Et ça, les gens, là, ont cherché pendant des années qu'est-ce que c'était que la queue de Maya. Oh, mon dopé. Ben, ils ont jamais trouvé. Parce qu'ils se sont dit, si on arrive à la conclusion, ce serait peut-être la fin du monde. Hey, ça, là, juste le fait de dire « La fin du monde !» ça fait mal à mon cortex cérébral. Ça va bien, vous? Ben, ça va très bien, vous. Continuez, hein. Vous faites un très beau programme. Mais c'est pas un programme. C'est pas moi qui fais ça. Cérébral. Moi, qu'est-ce que c'est réellement? Ben, Rénal, qui est... Elle va dire aux deux, elle dit non. Qui est Rénal? Je peux-tu monter? Est-ce que la chaise peut se monter? Ben, montez-nous, voyons. Mais parce que si on monte la chaise... Attendez. Si! Elle va-tu arrêter de pomper, ma... Elle va-tu arrêter de pomper, ma pompeuse? Si on monte Rénal... Oui, qu'est-ce qui va arriver? Mais tu t'éloignes du micro, je sais. Tu parles d'un studio maison. Puis là, les gens qui nous regardent sur les sites Internet, là, sur les caméras, ils me verront pas. C'est mieux de même. C'est mieux si on voit pas mon beau visage. Beau et peut-être un peu poussé là, dans ton cas, là. Disons visage. Oui, visage. Peut-être ravage. Ravage. Si on voit pas mon ravage, ben c'est très bien. Comme ça, les chirurgiens esthétiques voudront pas amener des choux dans ton, dans ta voix, dans ma voix, ben, dans ta voix corporelle. Oh mon Dieu, qui est à refaire au complet. Et ça fait réfléchir sur une chanson d'aller les chansons. Mais là, je me sens un peu élevé avec cette chaise-là. Les gens à radio, savent-tu que t'es élevé? Savent-tu que t'es inconfortable? Savent-tu que t'es pas... aussi bien que dans ton sofa, ben j'aimerais ça avoir un sofa, mais tu pourras jamais avoir un sofa, parce qu'un sofa, là, normalement, là, un sofa, ça se berce, et tu peux le verser, imagine-toi si tu parles plus, comment tu vas faire pour que ton public te comprenne? Ben, depuis 7 ans, il n'y a rien à comprendre là-dedans, dans cette émission-là. Là. Tout le monde le sait, puis tout le monde aime bien le savoir. Et ici, j'aimerais bien qu'un jour... Dites-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Ben, c'est à peu près ça. Là, ça ressemble... S'il faut synthétiser, conseiller à une fine mouture de l'intelligence, en fait, amener en quelques mots, ou peut-être même en un éclat. S'il faut faire un éclat de l'émission que vous entendez depuis des années et des années, c'est... Attendez, arrêtez l'écho parce qu'on veut le faire, l'éclat. Puis si vous faites l'éclat, ça va faire éclat, éclat, éclat. Mais après, si vous entendez éclat, éclat, c'est après l'éclat. Okay? Éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat, éclat. C'est ça, l'errance rénaldienne. L'errance rénaldienne, c'est un gros... Dites-moi, qu'est-ce que c'est réellement... Ben moi, si je me fie à toutes les encyclopédies, ils le disent dans les encyclopédies, hein, parce que c'est bien dit, hein, encyclopédies. Alors disez-nous ce qu'on veut savoir là-dedans, OK? Puis là, on va vous croire parce que c'est écrit. Si c'est pas écrit, on vous croit pas. L'oralité n'a pas place, OK? La narration l'a davantage. C'est de la foutaille, ça, là? Ce que tu nous dis là, toi là, comment tu t'appelles, toi? Ben, est-ce que je dois afficher? Affiche-toi! Je dois m'afficher! Mais monsieur, je vais m'afficher! Je m'affiche! Je suis déjà affiché! Ah, on s'en fiche! OK, ben là, vous voulez que je m'en fiche ou je me... Non, affichez-vous! OK, fichez-vous! J'ai monsieur le ministre, c'est quoi, qu'est-ce que c'est réellement? Ben... On sait pas. On sait plus. On sait pas. Ça va être la veille. Hein, pardon? Non, mais c'est ça. Fichez-nous. On va ficher. C'est fiché. On va s'en ficher. Messieurs les présidents. Le président. Il y en a juste un. C'est pas au pluriel. Là, attends-moi un petit peu. Oui. T'as amené plein d'ouvertures. Oui. Mais tu continues pas. Mais non. Pourquoi? M'en rappelle plus. Toi, t'es comment? Tu me fais penser à une humoriste québécoise. Oh, tu me diras pas Clémence Maine-Rocher. Clémence Maine-Rocher, grâce à la coulisse, elle peut poursuivre, mais moi, j'en ai pas de coulisse. Même ma coulisse, là, m'a abandonné. La seule qui voudrait bien aller plus loin avec moi, ben, elle n'a qu'une idée en tête. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouir. Oh mon Dieu. Oh, peux-tu rien entendre? Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouir. Ok. Comment on peut regarder à la radio, hein? Madame Tremblay, oui, comment je peux vous regarder à la radio? OK. Alors, moi, je vais vous le dire. Oh, Madame Tremblay va prendre sa place à la radio pour la première fois. Je suis quand même un peu émue. Allô? Non, mais tapez pas sur un micro, OK? Allô? Tapez pas sur un micro! Allô? T'arrêtez de taper sur un micro! OK, allô? OK, juste un petit peu, OK? Allô, allô, allô, allô. Bon. C'est très simple. Hein? C'est très, très, très, très, très simple. Oui, mais dans la simplicité, il y a tellement de complexité. Moi, là, j'aimerais ça vous tosser puis vous dire que c'est pas votre place parce que je crois que le public québécois et francophone ne veut pas en entendre davantage de cette structure qui risque de s'évanouir ou de tomber, d'exploser au lieu d'imploser. Les gens, ce qu'ils veulent actuellement, c'est des choses qui... Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement... Monsieur le Président, Monsieur les pas trop catholiques ou cathodiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne, qui est moi-même. Je suis moi-même, actuellement, et ce, pendant 30 secondes. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule encore là? Avec cette voix, je ne suis pas moi-même. Comment être moi-même? C'est très simple. Librement inspiré. Comment ça, c'est très simple? C'est très simple. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une virgule, d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons. Et si je dis à mon public que je suis bègue à l'origine, moi. Dès l'enfance, je bégayais. Et quelquefois dans la vie, je bégayais. Et que je, quoi, tu bégayes, je bégayais, je bégayais. Non, non, c'est pas dans un en bois avec de l'eau puis ramé là, bégayer, c'est t'aimes-tu le... OK. Alors donc, l'absurde avant, mais c'est vrai. Mais le saviez-vous également pour Diane Dufresne? Elle en était une. Une quoi? Une bégayeuse. Oh, je croyais que t'allais dire son open art. Son qui? Son open art. Son cabaret. Nous, ben, je suis pas là pour des... Voyons donc, c'est une femme que j'adore, Diane Dufresne, là, qui chante... Donnez-moi... Donnez-moi de l'oxygène... Comment? Donnez... Chinois, version chinoise. Donnez-moi... Donnez-moi de l'oxygène. Je me mets sur mon 36. Quand je saute en bas du 36e étage, je ne suis seul au monde. Je ne veux même plus me dire qui je suis, où je suis. Je capte d'autres ondes. Je ne veux pas. Mais j'ai plus le crémolo. Comment ça, j'ai plus le prémolo? Mollo. Ben, vas-y, mollo là-dedans. Là. C'est pas facile, là. Je capte d'autres ondes. J'ai plus de voix. Ouais, j'étais un bon chanteur avant. Ça me fait penser à l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné, je sais, vous demandez de la musique. Nous avons... Oh, je peux peut-être en placer une. Une pièce musicale, si vous voulez. Mais c'est pas prévu, mais comme mon émission se veut comme ça, hein, à toute improvisation, belle galanterie, quoi. Qu'est-ce que tu viens... Oh, ben putain, belle égalisation de fréquence, belle galanterie. Mais là, je sais pas quelle je vais prendre, mais c'est tout. C'est toutes des tudes! OK. Laquelle? Je sais pas. Tiens, je la connais pas celle-là, la 10. On y va avec la 10, OK? Ça va faire du bien, puis ça déchire l'oreille. OK, on y va. Nirvana, s'il vous plaît. Encore. Nirvana, c'est très bien, là, mais c'est très connu, trop connu. Moi, je la connais, mais j'ai vous. Celle-là, est-ce qu'on la connaît? Oui, aussi. On enchaîne, on continue. On y va avec celle-là. We'll be right back. Ça, c'est du souvenir. Ça, c'est un bloc, là, plus que constricté. Comment? Plus que constricté. Constrictons. Oui, monsieur. Alors, aujourd'hui, le vendredi, on est prêt pour commencer. On n'a pas déjà... Non, on sait rien, là. C'était une virgule, là. Avant qu'on place le point final, là, ce sera sur la gueule d'errance rénaldienne. Oh. Est-ce que ça va faire mal, docteur? Oui. Version chinoise, Nirvana. Mémé? Oui, avec mémé, oui, c'est moi, mémé. Oh, on est en communication, mémé. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Pardon? Mémé. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Mais c'est une communication, là, on sait pas d'où. Mémé. Mais aujourd'hui, vendredi, le 1er avril 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref... Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, cette semaine, unissons-nous autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons-le sous le projecteur pendant quelques errances rénaliennes. Jean-Claude Dreyfus, débutons sa carrière cinématographique. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973. Avec plusieurs films signés Michel Audiard, il collabore ensuite à quatre reprises avec Yves Boisset. Les années 90 et une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marque un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans délicates scènes, il incarne un inquiétant boucher. Dans la cité des enfants, perdu en 1994, le présent, sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenant à ses premières amours travesties, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans la maille. Non, on recommence. Revenant à ses premières amours travesties, il a... Il endosse, en 2009, le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans Le Mardi à Monoprix d'Emmanuel Darley. Emmanuel Darley. Jean-Claude Dreyfus démontre encore une fois l'éventail de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à mille lieues de lui. Maintenant, tu nous vois? Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? On a plus de soif, hein? On a plus de continuité. Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouer. On t'entend de tout petit, on t'entend péton, pantape, ton petit bateau peteux, ton petit peteux, à pontant, poteau, petit pontant. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée et en avant. Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouer. Oh baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby oh come back baby I wanna make love to you. You told me that you loved me and always would be true, but now you've gone and left me baby and made me feel so blue. Oh baby come back baby come, oh come back baby come, oh come back baby I wanna make love to you. Oh baby baby, baby, baby, baby, baby, oh baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh come back, baby, I want you to love me too. Oh, head up now. Come back, baby, come. Oh, come back, baby, I wanna make love. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh, come back, baby, I want you to love me too. Oh, hello. Ah oui. Vous avez dû voir un film aussi au Québec que j'ai fait il y a quelques années. C'était pour l'anniversaire des 100 ans du cinéma. Oui. C'était Le Fils de Gascogne. Hein. Le Fils de Gascogne, ça me dit quelque chose. Par Pascal Aubier. Okay. Et alors, je sais pas si on l'a vu au Québec, mais en tout cas, il est parti. Alors, c'est un film qui était fait pour la télévision. Il y avait, pour les 100 ans du cinéma, il y a eu Agnès Varda qui a fait un film. Et Pascal Aubier, dans lequel je suis. Il est parti. Vous voulez quelque chose? Bon, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Vous avez des... Non, je rentre de l'eau pétillante. Vous avez de la San Pellegrino? Oui. Je prends une demi de San Pellegrino, ouais. Moi, je vais prendre une bière fontaine. En fait, blanche. Et...

petit patapon. Lorsque j'observe, j'y vois la mer. Oui. Lorsque je t'observe, j'y vois la mer. Ou cet océan calme qui proclame sur l'eau l'éblouissement naturel de tout... Excusez-moi. Il faut y répéter, là. Excusez-moi, monsieur. Arrête de... T'es pas professionnel! Mais j'ai voulu être... Non, t'as pas voulu être un artiste ni un professionnel! C'est vrai. Alors il faudra répéter ça. Alors je vais répéter. Dernière fois! Oui. Les temps d'antenne sont très chers actuellement! Mais vous êtes assez KRL. Les temps d'antenne sont très chers actuellement! Ok. Alors vous voulez me relire votre texte d'une manière fluide! Comment? Fluide! Fluide, ok. Connais-tu Fluide, Jean-Luc? Mais j'ai vu hier, mais elle n'a pas voulu aller plus loin, hein? Moi, j'ai dit, hey, il me semble que t'es pas fluide! Mais oui, j'ai dit, il me semble que t'es pas fluide! Elle a dit, ben si tu me prends pas pour fluide, voilà, ben je m'en vais, je m'éclipse. Alors là, j'ai dit, ai-je fait une erreur? Est-ce fluide ou l'éclair? L'éclair, je m'en vais dans une éclair. Oh mon Dieu, l'éclair. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Lorsque je t'observe, j'y vois la mer. Ou cet océan calme qui proclame sur l'eau l'éblouissement naturel. Fais comme le menu, tu relis. Lorsque je t'observe, j'y vois la mer, ou cet océan calme qui proclame sur l'eau l'éblouissement naturel de ta beauté absolue. Lorsque je t'observe, j'aime te voir me regarder ou sourire à ma spontanéité, mon volcan qui te semble épuisant à force de jaillir. Lorsque je t'observe, je nous aime. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions, baissons le micro. C'était pas indiqué, hein? Non, moi je suis, monsieur? Oui, mais c'est pas indiqué, hein? Non. Saviez-vous que moi, je suis un Québécois? Ben oui, ben vous dites ben. Ben parce que là, ailleurs, en Belgique, ils disent pas ben, ils disent fritz. Oh! OK, alors je dois dire compte fritz. Ben oui. Au Québec, c'est ben, puis à Bruxelles, en France, en Belgique, c'est fritz. En Suisse, c'est... Comment ça? Les montres suisses. Oui. Il paraît que toutes les montres suisses en Suisse, ils s'en vont dans la Beyrouth la plus totale. J'aimerais ce soir leur amener quelques secondes, quelques minutes. C'est vrai, sincèrement, là, en Suisse, ça va pas très bien. Parce qu'on dit, hein, ah oui, la montre suisse, mais oui, mais... La montre ne vient plus de là-bas, elle vient de... Ting, ting, ting, grain, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, grain d'ori, grain d'ori, con, con, con, c'est pas cher, cac, cac, cac, c'est cassé. Oh, con, con, con, c'est pas cher, tac, tac, tac, c'est cassé. Tandis que hey, la montre suisse, c'est poum, poum, poum, ça marche encore. Poum, poum, poum, ça fonctionne toujours. Poum, poum, poum, ça fonctionne toujours. Poum, poum, poum. Mais la montre suisse coûte plus cher que la montre. Tong, tong, tong, c'est déjà cassé. Où on s'en va? On s'en va vers d'autres mondes. Je ne sais même plus où je suis, qui je suis. Je quitte d'autres ondes. Je ne sais même plus qui ainsi, qui je suis. Insignifiant. OK. Alors donc, je vais puiser. Où est la cage de Charles Bukowski? Troisième à droite. OK. Est-ce que M. Bukowski est endormi? Pas vraiment, là. Il est très agité. Oh, alors si je vais le voir. Il risquera d'être très agité. Est-ce que vous me conseillez d'aller... Allez-y. Oh, mais si je vois, il sera très... Oh, mon Dieu, Seigneur. Je suis pas prêt à ça, moi. Ben, allez-y, vous allez voir. Non, monsieur, monsieur. Prenez en pitié ma misère. Monsieur, ne m'envoyez pas auprès de Bukowski. À vos genoux, XXXX, aïe donc, X, aïe donc, à vos genoux, chou, hibou, poupou, à vos genoux, je dis pardon, c'était pour la fête de grand-mère. Hier, c'était beau dans la ville, si beau que j'en perdis la raison. En fait, la sainte Cécile, et tout le monde portait ce nom. Et lorsque je brûlais le flanc, prenez-en, c'est là, ok, c'est à monter. Prenez-en pitié, ma misère. Monsieur, ne m'envoyez pas en prison. À vos genoux, je dis pardon. C'était pour la fête de grand-père ou de grand-père. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? C'est une phrase de Charles Bukowski qui saigne pas, j'espère. Monsieur Bukowski, vous saignez. Je saigne, mais je suis fortaise, alors baignez maintenant. J'en veux pas baigner dans le sang de Charles Bukowski. Monsieur Bukowski, vous saignez. Je saigne, vous saignez maintenant, alors rendez maintenant. Non, monsieur Bukowski, vous allez bien. Je saigne, monsieur, il saigne. Saignons, alors donc, nous allons le saigner le mec, là, hein? Combien de dollars? Je vois pas, il n'y a pas de lumière. La lumière me projette le visage de... Vous me voyez bien si vous me regardez sur Internet, là? Oui, je vous regarde, là. Vous me regardez. Je me sens comme un Italien. Je suis un Italien, et vous, madame? Vous me regardez, oui. Vous avez une belle lumière. Exactement. Mais là, toute cette lumière-là m'éblouit. Je peux pas même pas lire la feuille. Ça fait pitié. Non, ça fait pas pitié, ça fait dur. OK, je vois. Il faut jouer, il faut tapocher sur la feuille. Madame Tremblay? Oui. Madame Tremblay? Oui. Êtes-vous Madame Tremblay? Oui. Votre numéro? De Madame Tremblay? Votre numéro de Madame Tremblay? Oui, c'est le 418. Oui. 648? Oui. 480? Oh, mais vous êtes dans Madame Tremblay. Madame Tremblay? Oui. Alors donc, on aimerait ça lire, mais là, on ne sait pas parce qu'on est dans le gourgeon. Oh, dans le gourgeon du naturel. Le gourgeon naturel. Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouir. Madame Tremblay? Oui. Avez-vous parlé? Non. Ok, c'est pas elle qui a dit ça. C'est qui? On va trouver l'intruse. Ah, oh, je suis sûr que c'est dans les forêts romanes. Romane. Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouir. Oh mon Dieu, ainsi soit-elle. Alors, hey, Charles, avez-vous entendu la jeune demoiselle? Je viens de... Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouer. Les ivrognes, le titre. Non, on dit pas le titre. Oh, t'as, on allait le dire. On a bafoué le truc, là, hein. On allait lapider l'affaire, là, hein. C'est de la gauche-nage de Randeristring. On allait faire de la fabulation exotique à cause d'une gonce qui nous dit. Ah ben, c'est pas ça. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouer. Oui. Oui. Oui, allons. Madame? Madame? Madame, madame, madame, que c'est beau le jour d'en juillet. Madame, madame, madame, es-tu loulou dit dans les gays. Madame, madame, madame, on se retourne en rue, on se retourne loin loulou juillet. Et on se demande pourquoi les rangs et d'ouvrir les rangs. Madame. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouer. Alors, la première phrase est à 3h du matin, le téléphone sonne. Hey, tu parles d'une heure pour appeler 3h du matin. 15h de l'après-midi, ça me dérange pas, moi, là. 15h, on n'a même pas à dire l'après-midi. 15h. 3h, là, il y a un problème, là. Pourquoi tu nous appelles à 3h du matin, ma belle Rachel? Ben, c'est parce que c'est Jean-Charles. Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Charles. Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Charles. Oui, mais c'est Jean-Charles, oui. Oui, c'est Jean-Charles. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est Jean-Charles. Hé, hey, tu m'appelles pas pour dire Jean-Charles. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Charles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du matin. Oui. Puis pareil, il y a 1h15, Jean-Charles sortait chez lui. Comment? À 3h15, oui. Jean-Charles sortait de chez toi. Il était 2h15. Ben, c'est ça, il sortait de chez toi. Oui. Comment? Ouais, ben, il était quand même assez Jean-Charles, là. Deux jambes, deux bras, puis pas de tête, là. C'est Jean-Charles. Ben, c'est ça. Jean-Charles a frappé chez moi. Ben oui, mais c'est normal. C'est chez vous. C'est chez lui. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est réellement? Ben là, on essaie de le trouver. On sait pas, monsieur. Fermez votre bouche. Écoutez, on sait. L'introduction, là. Madame essaie de trouver monsieur. Monsieur a frappé. Bon. Monsieur a frappé pas la madame. Monsieur a frappé à la porte. Bon, mais la madame a ouvert la porte. Puis là, ben, il demande qui est Jean-Charles. Jean-Charles, ben, il y a deux bras, deux pieds, puis pas de tête. C'est Jean-Charles, ça, là. Arrêtez de me pomper, vous, là, monsieur, là, parce que je pense qu'on va passer un autre appel, là. C'est ça qui s'est passé, puis là, si on cherche davantage, on risque de creuser. Qu'est-ce que tu voulais dire? On est à la radio. Merci à CKRL de nous diffuser, hein. C'est une émission extravagante, nous le savons. Alors, on va prier pour CKRL maintenant, OK, pendant 15 secondes, puis après ça, on va peut-être dire le mot. Non, on le dira pas! OK, alors, on prie pour CKRL. Merci, CKRL, d'exister depuis autant de temps. J'espère que les sous s'amèneront à toi pour que tu puisses rayonner davantage sur des circuits encore beaucoup plus extravagants que celui-ci actuellement. CKRL, je t'aime. J'espère que toi aussi, admets. J'espère que tu admets. L'errance rénaldienne parmi les tiens, les siens, tes saints. Non, bon, ben, lâche-moi, toi, c'est CKRL, là, c'est pas... Elle a 30 ans, pis... Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouer. C'est-tu CKRL qui parle, CKRL? C'est... tu m'entends, CKRL? Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouer. OK. Ben, écoute, moi, j'espère de te faire... de te réjouir. C'est correct, tu veux dire réjouir? Attends un peu. Alors, on est en communication avec ces... Si tu veux dire réjouir, réjouir. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me faire jouir. Elle dit pas réjouir, hein? Elle dit juste... Elle oublie le ré. Ré, do, oui, la, bon, do, ré, rayon de soleil d'or, fa, c'est la, moi, non, c'est pas, do, et, alors, on recommence, do, et la, ben, do, ré, rayon de soleil d'or, la, si, la, moi, tiens, l'autre, ré, mi, fa, sol, la, si, sol, c'est facile à marcher, facile, oh, sol, si, siffler comme un pinson, pit,

De là lui venait son surnom, Beaux ou les culottes. Il n'y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, Beaux ou les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Beaux ou les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Beaux ou les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Beaux ou les culottes. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, Beaux ou les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Beaux ou les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Beaux ou les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Beaux ou les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Beaux ou les culottes. Tout le pays s'est réveillé, puis la police l'a attrapé, Beaux ou les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis 7 ans, Beaux ou les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Beaux ou les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, Beaux ou les culottes. Ils réclament enfin des droits que les autres ne refusent pas, Beaux ou les culottes. De peur qu'il y en aurait d'autres comme toi, qu'aurait le goût de recommencer, Beaux ou les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Beaux ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Beaux ou les culottes. Oui. Oui, c'est Pauline Julien avec Beaux ou les culottes. C'est très rare que je nomme l'artiste et la chanson, mais Beaux ou les culottes est une chanson de M. Raymond Lévesque, chantée par Mme Pauline Julien, une grande dame de la chanson québécoise. Quand je dis grande dame, c'est pas une grande dame, là. Grande dame. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Oui. Pauline Julien. C'est une chanteuse extrêmement, un peu comme les réalisateurs. Tu sais, on disait les réalisateurs d'auteurs. Pauline Julien, c'est une chanteuse d'auteur. Elle se met à la hauteur de l'intelligence du genre humain, donc très peu de personnes peuvent capter sa grande volupté. Très peu de personnes peuvent comprendre ce qu'elle veut dire. Très peu de personnes peuvent applaudir autant de brillance dans cet instantané de quotidienneté qui nous assouvit régulièrement. Mais au quotidien, mais régulièrement, c'est au quotidien. Mais régulièrement, c'est au quotidien, oui. Couche-toi, toi, là-là. Vas-y, couche-toi. Ah oui, fais le doux. Alors, Pauline Julien, Beaux ou les culottes. Beaux ou les culottes, une chanson de Raymond Lévesque. Raymond Lévesque qui chantait « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les hommes seront trop badauds et me soucient loin. Et nous, nous serons morts. Mon frère, nous serons morts. Oui, quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Oh, monsieur, une grosse paix, la grande paix. Quand il y a tant de paix, les gens n'aiment pas ça. Ce qu'ils veulent, pour enrichir leur pays, c'est la guerre. C'est payant, la guerre. Tue ton prochain. Ça prend des armes. Ça prend des ambulanciers. Ça prend des hôpitaux. Mais quoi que la cigarette en tue autant, l'alcool en tue autant, la drogue en tue autant. Bravo, bravo, bravo, bravo. Vous êtes des gens très intelligents. Vous voulez anéantir la planète et surtout l'endormir. Puis qui veut endormir le genre humain? C'est le gouvernement. toutes les structures qui vous dirigent, avec les journaux, vous achetez des journaux, vous vous faites avoir avec ça, vous en lisez, vous vous endoctrinez, vous vous rentrez dans le cervelet que si c'est écrit, c'est vrai, mais c'est pas... C'est faux. C'est très faux. C'est la fausseté même. Et puis pour en... Là, demain, il y a un autre parti qui s'amène, qui s'affiche comme étant nouvelle, hein? Qui s'affiche cette société comme étant dans une autre direction. Lorsqu'elle sera à l'intérieur, elle se fera ronger par la mafia! La mafia de la structure qui dirige la direction amène l'information qui, malheureusement, se veut fausse. Mais bon, nouveauté, sort de ce corps, mais le trésor. C'est pas le temps, l'errance canadienne, de dire ça, là. Mais quoi que. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui, nous discuterons avec une personnalité morte. Aujourd'hui, entrons en communication avec Charlie Chaplin. Alors, Charlie Chaplin, tu m'entends? Il nous entend, c'est un, ben oui, Charlie Chaplin, dans le temps du muet, tu nous entends, Charlie Chaplin, oui? OK, mais là, les gens vont dire, hey, pas trop de muet, là, hein? C'est très beau à la radio, mais là, c'est très chaud, là, lors de la direction de la programmation, va te dire, ben, c'est très beau, on sera canadienne, mais c'est de la merde, hein? C'est de la merde! Tu diriges vers des sentiers beaucoup trop goudronnés. Goudronné, monsieur-là, madame-là. Trop goudronné. Ça goudronne de charbon. Dis-moi, qu'est-ce que c'est réellement? Charlie Chaplin, c'est un comédien, un réalisateur, un homme de génie, mais pas trop, pas trop rayonnant là, dans le milieu du 7e art. Là. On lui attribue beaucoup trop d'intérêt. Mais quand même, moi je dirais dans l'effervescence actuelle du cinéma, il est peut-être 60% de tout ce que vous voyez, de tout ce qu'il a amené. Mais Griffith en est 80%, mais vous connaissez pas Griffith. Moi, greffé, moi je me suis fait greffer. Non, pas greffer, là. Oui, allez-y. Oui, pouvez-vous baisser? Oui, merci. Moi, je me suis fait greffer. Greffer de Nestlé, parce que moi, je bois beaucoup de café. Puis je me suis dit, si vous voulez que j'en bois moins, mais greffez-moi de la caféine, à même le poumon sutané. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Ben moi, je suis pas un médecin, là. Mais non, mais le sutané. Parce que moi, je suis tanné de me faire du café. Je suis grandement, là. J'en ai un ras-le-bol. Alors, si vous pouvez me mettre en dessous du bol un ras-le-bol de café, je serais extrêmement intéressé. Et puis, si l'infusion peut se faire en 24 heures, de plus en plus intense à plus relax pour m'amener vers un sommeil profond pendant à peu près 6-7 heures. S'il vous plaît, 6-7 heures. Je vous saligne au moins de 6-7 heures. Pas très longtemps, là. 6-7. 6-7, non, c'est 10-4. 10-4, 6-7. 6-7 en bas du château. J'aimerais bien ça. Puis ça me rendrait peut-être un peu plus de... Oui! Oui! When they do the mambo in Paris, ça, c'est quelque chose. When they do the mambo très joli, c'est la vie en rose. Oui! How they love to mambo in Paris, ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça c'est très très chic. Madame Dupont, mambos, Monsieur Dupont, mambos, Mademoiselle Dupont, mambos, they love to go. Le maréchal, mambos, la femme fatale, mambos, la rue Pigalle.

Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Oui, Cindy. Ma ma ma la ma la ma la ma la ma la mo mo mo mo li mi mi lu mi mi lu mi mi mi mi li mi li mi li mi li mi li mi mi mi wi ni wi wi ni wi wi ni. Attends-moi garder comme ça, tu vas me faire jouer. Wi ni ni ni wi ni ni ni wi ni ni ni ni ni na ni ni na ni ni na na na na na. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit, oui, j'espère. Hein? Oui, pour un élan rénaldien, une consonance. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 13 ans. Ah oui? C'était avec un chirurgien, bourré de pognon. Il roulait en Porsche. Il avait 25 ans de plus que moi. Mais voyons. Je me souviens, un soir, il m'a emmené au palace. Oui. On a dansé toute la nuit. Ouais. Et je me suis dit, ce mec, il va me baiser. Ah ouais? Et ça me dégoûtait, mais je savais que j'allais me laisser faire. Ok. Et puis j'ai été aux toilettes. Oui. Je me suis regardée dans la glace. J'avais des cernes. J'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. C'est pas très joli, hein, comme première fois. Non, c'est pas très joli. On demanderait aussi à Jean-Martin de nous renvoyer un autre son parce que la petite était un peu trop rapide. Hein? Oui, au niveau du son. Non, au niveau de la sonorité. OK, alors ça passait. Oui, mais moi, premièrement, là, je te l'ai laissé passer, mais je te laisserai pas passer pour une deuxième fois. OK, alors c'est un laissé-passer unique. Oui, très unique. Puis est-ce qu'on peut... Je vais me faire inscrire dans une école de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Ah oui, mais une école de cinéma. Qui veut faire une école de cinéma aujourd'hui? Des gens qui rêvent, des rêveurs. Si tu es une rêveuse, je t'amène, ma belle mateuse. Et puis le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. Sophie Lariane, c'est « L'orage sort sa rage et monte son vent ». Pas tout le temps, hein, ma petite? Moi, je dis que pas souvent. Non, non, mais pas rarement, mais pas souvent. Mais oui, mais rarement. C'était incroyable. Oui. D'habitude, les mecs que je rencontre, ils essaient de me baiser au bout de 5 minutes. Oui, mais... Et toi, t'es là, t'attends. J'y vais pas. Oui. C'est une corvée. Non, c'est pas une corvée, mais c'est l'errant, c'est Rénald Gagné, là. C'est un gars qui se défriche à travers toutes les stéréotypes, puis lorsque tu arrives à lui, ben tu vois quelque chose d'hors norme, d'étrange, puis ça peut te décomposer, ça peut même te désarçonner, ça peut même t'amener ailleurs, puis te le faire expulser de tes désirs. Mais quoi, c'est toi, là, c'est ta vision. C'était incroyable. Oui. D'habitude, les mecs que je rencontre, ils essaient de me baiser au bout de 5 minutes. Eh oui. Eh oui, 5 minutes. 5 minutes, il me semble qu'il est trop tard. 5 minutes, il me semble qu'il est trop tard. Trop tard, trop tard. Il est rare de voir quelqu'un qu'en 30 secondes veut avoir la voix. Et toi, t'es là, t'attends. J'y vais pas. C'est une corvée. C'est pas vrai. Oui. Mais comment t'as pu faire ça et pas me dire rien? Hey, écoute. c'est monstrueux, t'es monstrueux. Puis toi, là, toi, là, toi, là, toi, là, toi, là. Non, mais. Monstrueux, monstrueux. Un monstre, là, c'est quelqu'un, là, qui lui manque quelque chose, là. Un doigt. Un cervelet. Un cheveu. Une larme. Une. Ce sera moi qui l'épouse. Ce sera moi qui l'épouse.

Hey!